Épisode 4. Mardi. La vie est un tapis roulant en panne, couvert de tessons de bouteille. Matteo Razzone. Et de bonnes nouvelles, des journées où on se dit que, quoi qu'il arrive, tout ira bien, des journées de calme et de volupté. Et pourtant, il y a comme quelque chose dans l'air, une rumeur. Qu'est-ce que ce bruit? Est-ce le vent? Est-ce l'orage? Non, c'est Razzoni. Bolognaise? Ils ont recouvert tout mon appartement de sauce bolognaise. Calmez-vous, Razzoni. D'abord, c'est pas tout votre appartement, mais seulement les murs de l'entrée. Ah oui, bien sûr, ah oui, seulement les murs de l'entrée. Alors c'est beaucoup, beaucoup moins grave. C'est presque rien, en fait. J'ai pas dit ça, Razzoni. On trouvera ce qu'on fait, ça. Et vous, Mesiani, si vous êtes pas capable de vous tenir, je vous fous dehors. Oui, non, oui, pardon, c'est nerveux. Oui, c'est ça, c'est nerveux. Je t'en foutrais du nerveux, on verra si tu riras encore. Ça suffit. Bon, est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire, enfin, commettre... Comment ça, une idée? Mais je sais qui c'est. C'est eux, évidemment, les pastafaristes. La ferme. Je crois que vous faites une fixette, Razzoni. Je fais une fixette? Vous n'allez pas me dire que c'est un hasard si 4 jours après avoir découvert ces tracts pastafaristes, rien, je retrouve de la sauce bolognaise partout chez moi. Karim, arrête de rire. Écoutez, on va chercher de ce côté, mais on n'est même pas sûr qu'ils soient au courant de votre trouvaille. Mais bien sûr qu'ils sont au courant. Le type du parking, lui, il sait. Le type du quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un informateur anonyme, un nul, qui m'a donné aucune info, si ce n'est qu'il... Quoi? Oh, le con. Mais de quoi vous me parlez? Mais je sais où il habite. Votre informateur anonyme. Non, mais je vous ai dit que c'était un nul. Karim, tu m'emmènes? Moi, pourquoi? Parce que j'ai crevé ce matin en venant. Attends, encore? Mais c'était pas arrivé genre... Il y a 2 semaines, pile, si. Bon, on y va? 1 minute, Razzoni, c'est pas à vous de vous en occuper. Comment ça? Pas à moi. On a ravagé mon appartement. Mais justement, vous êtes trop impliqué. Vous allez me donner l'adresse de votre type et j'enverrai quelqu'un l'interroger. Non. Non? Non, vraiment. J'en ai ras-le-bol de passer pour un imbécile 1 jour sur 2. On y va, pas de temps à perdre. Karim, tu viens? Bah, c'est-à-dire... À moins que tu préfères que je fasse un point avec notre chef sur ce que tu trafiques sur ton ordinateur pour passer le temps entre 2 dossiers? Comment ça? Rien du tout, rien du tout. On est parti, pardon chef, au revoir chef, bonne journée. Razzoni, si vous faites un pas hors du commissariat, vous allez le regretter. Je suis plus à sa prime. Au revoir madame. Ton menton, ça va. Le coup de l'ordinateur, c'est mesquin, hein. Non mais attends, moi je critique pas, c'est très joli ce que tu fais, hein. D'ailleurs, on partage ça avec la chef quand tu veux. Je suis sûr qu'elle va adorer. T'es un homme méchant, Matteo. Et on va où alors? Dans l'immeuble où on a trouvé la cache. Même étage, porte de gauche cette fois-ci. Chez les voisins pastafariens. Triste. Ah non, tu l'as bien dit cette fois. Pourquoi on va là-bas? L'informateur du parking m'a dit qu'il nous avait vu sortir de chez les collectionneurs de ramen. Parce qu'il habite le palier d'en face. Ah oui, d'accord, tu plaisantais pas, il est vraiment nul comme informateur anonyme. T'as pas idée. Mais je le soupçonne d'être meilleur en peintre d'intérieur. Je suis garé juste en bas, je prends les clés de la voiture et je te retrouve. Ouais, traîne pas. Là, il n'y a que 2 portes à cet étage. C'est quoi le nom sur la sonnette? Le Go Aek. Même son nom, il m'agace. Ok. À nous deux, le Go Aek. Bon, ça marche pas, frappe. Quoi? Mais frappe à la porte. Pourquoi moi? Parce que moi, je risque de pas m'arrêter de frapper quand il aura ouvert. Bonjour, monsieur Le Goaec. Comment m'avez-vous trouvé? Peux entrer. Quoi, pourquoi faire? Quelques questions à vous poser. À propos de mon appartement et de sauce bolognaise. Non, sans déconner, Karine, combien de temps ça va durer, ce truc? Je sais pas. Écoutez, je comprends absolument rien à ce que vous racontez, là. On peut rentrer? 2 minutes. Vous savez, ce n'est pas vraiment le bon moment. Je suis en plein ménage, là. On n'en a pas pour longtemps, monsieur le Goaec. Sinon, on peut aussi vous emmener directement au commissariat. Quoi? Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, vous voulez vérifier? Bon, faites pas attention au désordre. Et si vous voulez bien essuyer les pieds, aussi, merci. Faut toujours que t'en fasses trop. Mais c'est lui qui a commencé, sérieusement. C'est charmant chez vous. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Oui, quelques années. Oh, c'est une drôle d'histoire, tout a commencé au fest-noz de Conche en Ouche, où j'ai rencontré... Où est-ce que vous étiez hier soir? Hier soir, enfin, c'est moi, vous savez, dans le parking, j'étais avec vous. Oui, ça je sais, mais après, qu'est-ce que vous avez fait après? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis rentré chez moi, ici. Vous avez des témoins? Des témoins? Ma femme et mes enfants, mais... Enfin, elle ne parle pas, donc juste Augustin, même si il n'est pas toujours très clair, vous savez, à 4 ans. Ok. Je vais pas y aller par 4 chemins. Mon appartement a été vandalisé hier soir et... Vandalisé? Mais c'est horrible! Oui, c'est extrêmement déplaisant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon appartement a été recouvert de... Enfin, pas tout l'appartement, juste l'entrée qui était pleine de... Sauce bolognaise! Voilà. Mais c'est grotesque! Qui aurait une idée pareille et pourquoi? J'en sais rien. Qui aurait l'idée de faire des tracts sur un dieu spaghetti volant et de se réunir autour d'un sacrifice de bolognaise? Non, sérieusement, rien que le mot bolognaise maintenant? Mais vous ne pensez quand même pas que... Que vous êtes venu chez moi après notre entretien pour saloper mon appartement, alors que je vous avais envoyé au diable? Non. Pourquoi irais-je penser une chose pareille? Est-ce que tout le monde pourrait s'arrêter de rire? Excusez-moi, c'est juste que... Vous m'avez vu? Je n'arrive déjà pas à courir avec un imperméable, alors vous m'imaginez débarquer chez vous, alors que j'ignore où vous habitez, avec un pot de bolognaise? Enfin, franchement, j'ai seulement voulu m'amuser un peu. Bon, je le reconnais, c'était déplacé. Je me suis un peu laissé prendre au jeu. Mais jamais il ne me serait venu à l'esprit de... Enfin, vous voyez. Ok, admettons que je vous crois. Alors qui? Mais reconnaissez quand même que ça a tout l'air d'un coup pastafariste. Rien. Non, quand bien même. Mais enfin, monsieur, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir. Les pastafariens sont une bande de zigotos, dont j'ai l'insigne honneur de me revendiquer, qui se réunissent pour le plaisir de l'inutilité et de l'absurde, et qui rejettent tout ce qui serait à même d'embêter un tant soit peu autrui. Il n'y a pas plus inoffensif que nous. Mais vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir quelqu'un parmi vous qui pourrait avoir envie de s'amuser de façon moins inoffensive? Non, franchement, je ne vois pas. Bon, j'ai besoin des noms, adresses et téléphones de vos acolytes. Enfin, ceux qui viennent à vos... Pasta Réunion. Oui, je refuse de dire ce mot. Bon, je peux vous donner les coordonnées, mais franchement, vous ne trouverez rien. Bon, je vais aller chercher ça. C'est votre femme avec vous sur la photo? Oui, le jour de notre mariage. Ah ouais. Effectivement, elle est... Elle porte très bien la passoire, en tout cas. Vous avez fait un mariage pastafarien? Oui. Regardez, on voit le pirate qui est officier en arrière-plan. Il y a bien un pirate en arrière-plan. Tenez. Voici le numéro de mes collègues. Merci. Vous prendrez bien un petit café avant de partir, je viens de le faire. Non, pourquoi pas. Non, merci, on ne peut pas rester. Vous êtes sûr? J'ai aussi des super biscuits maison. Non, mais c'est comme l'a dit mon éminent collègue, nous devons... Ah, attendez, c'est des palais bretons, ça? J'adore les palais bretons. C'est pas de chance que tu te sois renversé du café en partant. Non, ça n'a rien à voir avec la chance. Ça a à voir avec les mardis. Hein? Ouais. Mathéo? Je crois que je vais devenir pastafarien. Ta gueule. Ok, Karim. Première chose à faire quand tu rentres au commissariat. Tu m'appelles tous les numéros sur la liste que le Goaec t'a donné et tu me les convoques pour demain. Je veux les voir le plus vite possible. Si tu veux, mais je pense pas que la chef... Rien à cirer. Elle a voulu me mettre sur le cabizard. Je me mets sur le cabizard. Demain, à la première heure. Tu te rends pas avec moi, là? Non, je vais marcher un peu. Je vais vider la tête. On se retrouve demain, Karim? Toi, tu vois. Demain, Mathéo. Il y a des journées qui s'annoncent radieuses. Des journées où chacun se sent un peu plus joyeux, un peu plus léger. Mais parfois, ces journées tombent un mardi. Et le soir... Quand la pluie commence à tomber dans les rues désertes de la ville, on peut entendre dans le lointain le cri sauvage du Radzoni solitaire. Putain!